t'écoutant tant pour comprendre. C'était un jour en 1727, assimilation à Monsieur Flore. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour beau matin, assimilation à Monsieur Florent. C'est qu'un son et c'est l'air pour vous soulever. Manger mon son cassav, boîte y brûlette. La vie qui a coupé sa bite était là. Dis-nous ça qui passait, dis-nous. Et dis, on filme mon histoire. Dis je n'a tout sou. Dis-nous ça qui passait, dis-nous. Et dis, on filme mon histoire. Ça quitte en tête à ou pas t'es en pied à.